Encore une journée qui s'achève. Encore une journée qui m'enlève. À mes rêves inavoués, à mes désirs de liberté. Il faut vraiment que je sois bête. Encore une journée qui m'enlève.